se mirent à monter son chapiteau de rêve pour les enfants. Petit Pierre a vu les yeux remplis de fièvre. Chante.